Voilà les piscines où les records de plongeon seront battus. Et la cuisine où le nouveau petit ami intégrera vraiment la famille. Voici les maisons de vacances Abritel, qui n'attendent plus que vous et votre famille.